On va parler de la NCAA avec notre ami Hugues Fouché du site internet Le Bit NFL. Salut Hugues. Salut Denis, ça va bien? Oui, ça va bien Hugues. J'ai développé un petit sujet. Ben, j'ai commencé un sujet avec Tony du site OK. internet, ton collègue. Puis je veux développer plus avec toi, savoir le plus de la NCAA. C'est Urban Meyer. Penses-tu qu'Urban Meyer pourrait quitter ESPN pour aller diriger les Wolverines du Michigan? Hey, ça, c'est une super de bonne question, absolument. Parce que Ah Meyer, oui, ça ben va prendre écoute, un gros nom oui. pour diriger les Wolverines. C'est quoi, c'est. Et Meyer, surtout que c'est décevant. C'est une grosse université. Meyer est disponible depuis 2-3 ans. Ça reste un gros coach. Il me semble que ce serait un bon Oui. candidat, un excellent candidat pour diriger les Wolverines. Absolument. Puis c'est un gars qui a connu du succès Avec absolument Ohio State? partout où il est passé. Oui, puis avant ça avec Floride. Donc, c'est. Ah oui, non, définitivement. Puis il a coaché dans le Big Ten. Donc, c'est un candidat naturel. Je vais être honnête, j'y avais pas pensé, là, mais l'idée est excellente. Puis oui, écoute, c'est tellement logique, ça fait tellement de sens que sûrement que des Michigans vont y penser. Ben Ça serait parfait comme, comme match, là. Ça serait oui. Le le match, ah, c'est numéro un. parfait, là. Puis ça prend un gros nom de boss. Et les Wolverines, Ah surtout oui. qu'après Harbaugh, c'est une énorme déception. Et les Wolverines qui n'ont pas gagné un match cette année, parce que le match contre Maryland Non. est annulé à cause de la COVID, encore une fois. Oui. C'est quand même. Écoute, c'est sûr que cette année, il n'y a pas de monde. Fait que ça joue pas, là, mais de Ann Arbor, c'était difficile de gagner à Ann Arbor, là. Oui, et absolument, c'est tout à fait. C'est une bonne université aussi. D'habitude, ils ont de bons programmes. Et puis, j'imagine Urban Meyer aller coacher contre son ancienne équipe Ohio State, où il est parti dans des circonstances assez particulières. Là, c'est le genre de Ça, situation où... c'est quand même spécial que demain c'est parti, hein. Ça reste un Oui, 8. oui, oui. Oui, c'est ça, exactement. C'est le genre de situation où on sait que le discours officiel, là, ce qu'on nous dit pour justifier le départ n'est pas nécessairement la vérité, mais qu'on finalement on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé, là. Donc, c'est définitivement le genre de... Ça arrive souvent dans le sport, ça, là, les fameuses raisons familiales, là, puis les fameuses raisons « je veux prendre soin de ma santé », puis, tu sais, on sait toujours que c'est pas ça la vraie raison, mais on n'est jamais vraiment capable de savoir ce qui s'est passé. Alors, sûrement, peut-être que d'aller coacher contre Ohio State, j'imagine que pour lui, ça serait un must. Et puis, Michigan, ils ont beaucoup d'argent... le budget est illimité là-bas, là. Comme tu dis, c'est toujours au plein. Ils ont à peu près le plus gros stade, là, un des plus gros stades de la NCAA. C'est que oui, moi, je vois tout à fait Urban Meyer se retrouver là. J'adore l'idée d'ailleurs. Mais Ouais. si j'étais en charge du programme de Ça serait Michigan, mon tu peux être candidat sûr que je numéro un. regarderais de ce côté-là. Ouais, moi aussi. Ce serait mon candidat numéro un. Donc, Oui. les matchs de la semaine, écoute, là, je pense que là, on s'en va vers les matchs de championnat. Et puis ça devient tellement compliqué. Il y a des matchs annulés, et ainsi de suite. Donc, c'est. Écoute, moi, je regarde ça vite, vite, vite, vite de même, là. Match de la semaine, on peut parler de Indiana contre Wisconsin. J'ai hâte de voir comment les Hoosiers vont se. Sans Michael Penix, j'ai hâte de voir comment ils vont se débrouiller, là. C'est pas Clemson qui perd à Trevor Lawrence, là. Non. Et non, non, C'est pas du tout la effectivement. même affaire, là. Donc, ça là, Non. probablement que leur saison, leur belle saison est probablement annulée, là. Ou encore, va tomber pas mal à l'eau. Heureusement, ils vont Ça partir va pour être un bowl. difficile. Ils vont bien Oui. partir pour un bon bowl, par exemple. Absolument. Là, je souligne une différence peut-être entre des universités comme Indiana ou Cincinnati ou tu sais, un gros programme comme Clemson, là, tu viens de le souligner. C'est sûr que les meilleurs au football collégial, il n'y a pas de repêchage, hein? Alors, les meilleurs prospects ont tous tendance à aller dans les mêmes universités parce qu'ils ont fait leur preuve. Clemson est une de ces universités-là, Ohio State, Alabama, normalement LSU, là, même s'ils ont des problèmes cette année. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as un five-star, un gars comme Lawrence qui se blesse, tu en as un plus jeune qui va prendre sa place. Mais c'est pas comme ça pour Indiana. Non. C'est une université. Hein, tu sais, c'est qu'eux autres, ils en ont trouvé un excellent, Michael Penix, mais là, il est blessé, puis ça serait bien surprenant que le gars qui va prendre sa place soit aussi bon que lui. Là, on peut penser que C'est le genre de pertes qui sont dures à remplacer. On en avait parlé en début d'année avec Minnesota. On disait que pour eux, perdre des gars comme Antoine Winfield, par exemple, ou Tyler Johnson, tu peux pas remplacer ce genre de gars-là. Ils ont pas ça en banque, là. Fait que il faut qu'ils les développent, c'est plus long. Donc, c'est un peu la même chose pour Indiana. Ça va être difficile, mais quand même une belle occasion pour eux de continuer leur lutte contre Wisconsin, qui, eux, ont échappé à un match contre Northwestern. Ils ont joué seulement 3 matchs en Wisconsin. Ça va être leur 4e match seulement. Le Big Ten a bien de la difficulté avec sa cédule. Alors, écoute, les Wisconsin, c'est une équipe qui pourrait être très compétitive dès l'année prochaine. Ils ont une bonne équipe. C'est quand même très bon. Hein? Oui, c'est une super bonne équipe. Même cette année, dans le fond, c'est juste que pour eux, le championnat du Big Ten va être difficile à atteindre. Là. C'est quand même, ça demeure effectivement une bonne équipe. Et puis, écoute, ils sont dans l'autre division. Ils sont pas dans ils sont dans la division Ouest. Ils sont confrontés à Northwestern et Iowa, mais ils ont pas s'ils réussissaient à passer là, par chance, ils pourraient faire encore partie du match de championnat. Indiana, eux, sont dans la même division qu'Ohio State. Ohio State, le problème, c'est qu'ils n'ont pas joué assez de matchs. C'est seulement leur 5e match, hein. C'est que eux aussi vont jouer en fin de semaine. Ils vont affronter Michigan State. Qui est quand même une équipe dont il faut se méfier, là, ça devrait pas être trop difficile pour Ohio State, ça va être à midi, ça. OK. Et l'autre match, moi, qui m'intéresse, qui est intéressant, c'est à 18. Oui. C'est BYU, je regarde là contre BYU. Ah oui. C'est un match. Oui. C'est à 17h30, c'est sur ESPN University, donc ce ne sera probablement pas présenté ici, au Québec, donc faut aller sur, faut truquer un peu. Moi, puis Hugues, on est bon pour ça, par exemple. C'est un match. Donc, écoute, c'est un match qui n'était même pas prévu au calendrier, je pense, à part de ça. Hein? Non. C'est pour ça qu'ils l'ont mis sur ESPNU, probablement, mais peut-être qu'ici, TSN va faire l'Excel le choix visé de présenter ce match-là. C'était pas prévu. BYU, qui est 13e, et Coastal Carolina. Qui est 18e. Non, c'était une équipe qui est en 2e division, qui est en FCS, qui a monté, je pense. 18e. Oui, ils sont en feu. Ouais. Je les ai pas vu jouer encore, mais j'ai hâte de voir ça. Écoute, l'idée est excellente. Je pense que les deux programmes avaient besoin de ce match-là. J'entendais un analyste à la radio de Montréal là, parler hier. Il parlait de ce match-là, puis de possibilité de voir BYU en série, mais oubliez ça, BYU sera pas en série. Ils sont trop loin. Le comité, ils ont mis 13e, c'est que c'est impossible. Mais ils pourraient être dans le top 10, par exemple, s'ils gagnent ce match-là. Certainement qu'ils vont monter. Ils vont être dans un bowl, par exemple. Ça, c'est sûr. Ils vont être dans un bowl du dimanche du 1er janvier, qui sont les meilleurs bowls. Là. Oui. Ça, ils ont des gros chances. Oui, s'ils gagnent ce match-là. Oui, c'est parce que ce qui est. Tu sais, ils jouent dans une division faible. Fait que, tu sais, déjà, en partant, c'est très dur. Ils sont mal. Tu sais, l'équipe le comité va classer les équipes du Power 5 avant de piéger. Oui, puis écoute, je vais être honnête avec toi, là, le comité a fait le bon move là-dessus. Je vais t'expliquer pourquoi, là, selon moi, j'ai vu pas mal de matchs de BYU. Ils ont une attaque explosive, ils ont un corps exceptionnel, là. Wilson qui a une saison fantastique. Tu sais, c'est spectaculaire, on aime voir ça, mais leurs lignes de mêlée qui sont pas mauvaises quand même, là, mais selon moi, tiendraient pas le coup. Contre des puissances, contre Floride ou Alabama ou Clemson ou Notre-Dame, ils vont se faire marcher dessus. Je les vois pas là, donc, contre un bon programme. Et Coastal Carolina, je pense que BYU peut gagner ça, mais contre vraiment là, des équipes plus puissantes, leurs lignes sont pas assez bonnes, selon moi. Ils vont se faire marcher dessus. Pour football, tu gagnes pas quand tu te fais dominer physiquement. Ce qui est différent pour Cincinnati, qui ne joue pas cette semaine, qui, eux, ont été classés très haut parce que, sérieusement, Cincinnati, c'est une équipe de vétérans. Ils ont des lignes fantastiques. Puis je pense qu'eux sont capables. Ils ont un corps arrière qui est un dual threat. qui a peut-être pas d'avenir dans la NFL, mais qui, pour le niveau collégial, il n'y a rien qui remplace la mobilité d'un corps arrière. Lui, il est capable de courir, il a une bonne attaque. Comment? Il pourrait être dans le CF, par exemple. Ah oui. Alors, clairement, je n'avais pas vu comme ça non plus, mais oui, effectivement, je peux te dire que le téléphone sonnerait. J'adore cette idée-là. Oui, effectivement, Ryder pourrait être dans la LCF. C'est un corps intelligent qui a des bonnes qualités athlétiques. Il y a certainement de la place pour un gars comme ça dans la LCF. Oui, puis mais ils sont vraiment bons, Cincinnati. Et eux, je pense qu'ils ont les lignes de mêlée capables de tenir le coup contre ce genre d'université-là. Leur défense, elle est fantastique. Donc, c'est une situation différente. BYU, c'est une équipe qui, sans son corps arrière, là, serait, on n'en parlerait pas, là, pour le 13e rang. Donc, ont eu des bons corps. Ont eu des bons corps par le passé. Je pense à Steve Young. C'est que toi, je parlais de ça. Oui. Steve Young. Oui. Après ça, ils ont eu Ty Detmer. Oui. C'est des. Après ça, ils en ont eu d'autres. Donc, quand BYU performe, c'est souvent là. Ils font effectivement, puis mais ils produisent. C'est une université qui produit régulièrement des joueurs pour la NFL. C'est un bon programme là, mais ils sont pas de taille avec les meilleurs. Ils connaissent une saison qui est le fun à regarder à cause du corps arrière Zach Wilson, mais tu sais, c'est pas outre ça une équipe qui est au niveau. Puis je pense qu'ils probablement qu'eux-mêmes le savent parce qu'on s'entend que l'entraîneur de BYU a pas non plus, je l'ai vu en entrevue là, lorsque le comité a sorti son classement, puis il a pas pété une coche. Là. On s'entend qu'il est resté bien calme devant ça quand même, donc peut-être qu'il s'attendait un peu à ce que son équipe soit pas dans le top 10 non plus. Ce qui est différent pour Cincinnati. Cincinnati, honnêtement, j'aimerais les voir en série. Je pense qu'ils seraient capables de se débrouiller. OK. Donc, on va suivre ça de près, mais je pense que c'est pas mal de couler dans le béton. Très bon match, par exemple. C'est pas mal de couler dans le béton. Très bon match. Si Ohio State réussit à jouer 6 matchs, parce que c'est le règlement de 6 matchs, je pense que c'est pas mal de couler dans le béton. Ça va être Alabama, Notre-Dame, Clemson et Ohio State dans le... Probablement, sauf que oublie pas que Clemson puis Notre-Dame vont s'affronter en finale du... Il y a peut-être une des deux. Si Notre-Dame demeure invaincu, puis que Clemson les bat en finale, d'après moi, les deux vont être en série. Si par contre Notre-Dame bat Clemson une deuxième fois, tu vas-tu mettre Clemson en série non. S'ils ont perdu deux fois contre la même équipe? Non, mais ça va être Trevor Lawrence. Clemson pourrait sortir. Ça va être Trevor Lawrence qui va être au corps, même s'il était très très bon le jeune. Oui. Il y a une différence pareille. Oui. Ouais. Non, clairement. Puis c'est ce qui risque d'arriver. Tu as raison. Dans ce cas-là, ça risque d'être ces quatre équipes-là. Puis honnêtement, ça serait mérité, mais oublie pas, j'exclus pas complètement la possibilité, moi, que Floride puisse causer une grosse surprise contre Alabama. C'est un peu gros ce que je t'ai dit là. Je vais quand même favoriser Alabama dans un éventuel final du SEC, mais. Floride, c'est pas des clients faciles. Kyle Trask est assez exceptionnel. Ils ont une bonne équipe. S'il fallait qu'Alabama connaisse un moins bon match, c'est pas exclu qu'il pourrait peut-être l'échapper. Ça aussi, ça rendrait les choses intéressantes. Là. Ouais. Parce que si Floride battrait Alabama, qui mets-tu en série? Floride ou Notre-Dame? Si Notre-Dame, disons, perd en finale contre Clemson, le débat va être intéressant.